Chapitre 25e. Que penserait-on de vous ? Harry, dites-moi la vérité, dites-moi toute la vérité. Ce fut ainsi que Harry Clavering s'entendit apostropher quand, sur l'injonction de Lady Ongar, il se présenta chez elle presque immédiatement après son retour à Londres. On se rappellera qu'il était demeuré à Clavering quelques jours après le départ de Hughes et d'Archie, ne se sentant pas le courage d'affronter virilement son malheur. Mais bien qu'il eût quelque lâcheté dans son retard, il ne lui en avait pas peu coûté pour être lâche. Il se méprisait lui-même de n'avoir pas osé écrire à Florence avec l'expression vraie de sa vive affection, ni dire loyalement et clairement la vérité à Julie. La moitié de son chagrin venait de la conscience de son propre abaissement et de se sentir faible, misérablement faible, précisément sur le point où si souvent il s'était enorgueilli de sa force. Non que cet orgueil intérieur soit mauvais de tout point. Il préserve quelquefois de la chute et en tout cas, il fait faire quelques efforts pour se soutenir. L'homme qui s'est vanté d'être brave ne prendra pas la fuite sans avoir engagé de lutte. Mais celui qui n'a jamais mis en avant une telle prétention trouvera la fuite toute naturelle, à moins qu'il n'ait le cœur très haut placé. Pour Harry, c'était le moment de fuir ou de ne pas fuir. Aussi, se jurant à lui-même de ne pas céder un pouce de terrain, il prit résolument son chapeau et ses gants, et la tristesse dans l'âme, se dirigea vers Bolton Street. Mais chemin faisant, il ne put s'empêcher de discuter avec son propre cœur l'affaire en question. Il savait quel était son devoir. Son devoir était de s'attacher à Florence, non seulement avec la parole et la main, mais aussi avec toute la force de son affection. C'était son devoir de dire à Lady Ongar que sa parole, et encore plus son cœur, était resté à Stratton, et de solliciter d'elle son pardon pour le mal qu'il lui avait fait par une caresse irréfléchie. Le devoir était clair, et pendant les 10 premières minutes de marche, sa résolution resta inébranlable. Mais peu à peu, l'embarras de la prochaine entrevue, le souvenir de cette caresse, celui de la beauté suprême de Julie, peut-être aussi de son rang et de sa fortune, et plus encore la pensée de l'amour qu'elle lui portait, offrait à son esprit des arguments faux, sophistiques, égoïstes, que lui-même reconnaissait pour tels. Laquelle des deux aimait-il ? Était-il loyal de donner sa main sans son cœur ? Serait-ce un bien pour Florence ? Pauvre Florence trahie, d'être épousée par un homme pour qui elle avait cessé d'être plus que toutes les autres femmes. L'épouser, ne serait-ce pas lui préparer une déception plus cruelle que s'il la détrompait maintenant ? Ou plutôt, la vraie tromperie ne serait-elle pas de l'épouser, tandis que la détromper serait une loyauté cruelle, cruelle par suite de circonstances dont il était innocent. Coupables arguments, logique de la lâcheté, à l'usage des coquettes mâles qui veulent colorer leur manque de foi. Aussi, au bout de 10 autres minutes de marche, la conduite à tenir lui paraissait de moins en moins évidente, et en entrant dans Piccadilly, il était en proie aux doutes. Mais au lieu de les dominer, il se laissait aller chercher des excuses à sa trahison envers Florence. Il tournait des phrases, mais pour les lui dire en face, en paroles articulées, ceci lui eût été impossible, mais il lui écrirait qu'il était trop indigne d'elle, que le sentiment de son peu de valeur avait affaibli son amour pour elle, qu'il retournait à une personne bien inférieure à elle sous tous les rapports, mais qui, autrefois, comme elle le savait bien, avait eu son premier amour. Oui, il dirait tout cela, et Julie, dût-elle se fâcher, saurait qu'il l'avait dit. Ce plan, bien combiné, fut pour lui un certain soulagement. Il trouvait même quelque grandeur dans une telle résolution. Enfin, s'était arrêté, dût-il lui en coûter la perte de Julie. Misérable échappatoire. Il savait bien, au fond de son cœur, que toute cette logique était fausse, que ses arguments péchaient par la base. Cesser d'aimer Florence Burton. Il n'avait point cessé de l'aimer. Il n'y avait pas de cœur d'homme qui soit une girouette tournant à droite et à gauche au gré du vent, sans que la volonté de l'homme y puisse rien. Avec tous ses défauts et même en dépit de sa faiblesse présente, Harry n'en était pas moins un homme. Sans une cause, un homme ne cesse pas, ne peut cesser d'aimer. Il dépend d'un homme de garder son amour, de le nourrir, de le réchauffer par un effort énergique et loyal, comme il saurait garder intact sa probité, son courage, son honneur. Non, Harry n'avait pas cessé d'aimer Florence. Mais comme un pauvre papillon, l'éclat de la chandelle l'avait ébloui et il s'y était brûlé les ailes. après tout le baiser qui l'avait troublé et dont le souvenir lui était si doux et si amer, n'avait été qu'un simple accident. Au milieu de ses pensées, tandis qu'en son esprit il rédigeait cette lettre à Florence, que, resté honnête homme, il n'eût jamais écrite, il arriva à la porte de Lady Ongar sans s'être encore fixé sur sa ligne de conduite. Nous allons pour un moment retourner à Hughes et Archie, qui étaient revenus à Londres avec Harry Clavering. Le lecteur se rappellera, j'espère, que Archie s'était engagé dans une grande affaire et apprendra sans surprise que les 50 livres, fidèlement apportés à Mount Street, avaient passé sans difficulté dans la poche de l'aventurière. Je ne dis pas qu'en retour Archie eût tiré de ce figure de loup quelque information immédiate et utile, mais en revanche Sophie en avait tiré quelques-unes qu'elle pensait pouvoir appliquer à son propre profit. Après avoir discuté au point du matrimonial la position d'Archie et aussi celle de la divine Julie, Sophie témoigna la crainte d'une rivalité dans la famille Clavering même. « Que pensez-vous de votre cousin Harry ?» lui dit-elle. « Harry est engagé ailleurs, » répondit Archie en ouvrant de grands yeux et fier de pouvoir se montrer bien informé. Pour Sophie, cela valait la peine d'écouter. Elle apprit bientôt tout ce que Archie savait au sujet de Florence Burton. C'était aussi tout ce qu'il y avait à savoir, car Harry n'avait fait à la famille nul secret de son engagement. Archie raconta que Miss Burton avait été reçue à Clavering Park comme future épouse de Harry. Ainsi, ajouta-t-il, vous voyez bien qu'il ne peut penser à Julie. Sophie fit la grimace et ne répondit rien. Mais se rappelant qu'elle avait surpris Lady Ongar dans les bras de Harry, elle ne se sentit pas rassurée par la réception de Miss Burton à Clavering Park. Elle se souvenait aussi de quelques paroles échangées entre elle et Lady Ongar après le départ de Harry, le soir même de l'embrassade, et vit clairement que Lady Ongar ignorait jusqu'à l'existence de Florence Burton. C'était là une information dont elle pouvait tirer parti. La bonne opinion qu'elle avait de Harry s'en accrut beaucoup. Elle ne lui avait pas supposé tant d'audace, de rouerie et d'habileté. Elle l'avait pris pour un Clavering à tête de plomb comme les autres. Il n'était pas du tout tête de plomb, c'était un jeune homme qui promettait. Elle l'eût volontiers servi, sauf la ferme détermination qu'il avait témoigné de n'avoir rien à démêler avec elle. Donc, ne pouvant le servir, il fallait bien qu'elle fît usage de cette précieuse information. Ainsi fit-elle. On comprend maintenant quelle était la vérité que Lady Ongar voulait savoir de Harry Clavering. Harry, dites-moi la vérité, dites-moi toute la vérité. Elle s'était avancée jusqu'au milieu de la chambre pour lui dire ces mots et le regarder en face sans lui avoir donné la main. Quelle vérité, dit Harry, vous ai-je jamais dit un mensonge? Mais il savait bien de quelle vérité elle lui parlait. On peut mentir en acte aussi bien qu'en parole. Harry, dites-moi tout, et tout d'une fois. Qu'est-ce que Florence Burton? Qui est-elle et qu'est-elle? Elle le savait depuis quelques heures. Il était étrange qu'elle ne l'eût pas su plus tôt, mais enfin elle le savait. Elle était bien aise de le savoir. Seulement, comment pourrait-il s'excuser de ce baiser? À tout prix, parlez-moi, dit-elle, se tenant debout devant lui, comme eût pu faire une Junon. Vous reconnaîtrez au moins que j'ai le droit de vous faire cette question. Qui est cette Florence Burton? La fille de M. Burton de Stratton. Est-ce là tout ce que vous avez à me dire d'elle? Allons, Harry, soyez plus brave que cela. Moi, du moins, je n'ai pas été lâche devant vous. Lui avez-vous promis de l'épouser? Oui, Lady Ongar, je l'ai promis. Alors vous avez eu votre revanche contre moi, et nous sommes quittes. Et se disant, elle se retira du milieu de la chambre et vint se rasseoir à la place accoutumée, le laissant debout, ayant l'air de ne plus vouloir s'occuper de lui. Il n'avait qu'à partir et tout eût été fini. Il pouvait écrire Florence comme il l'eût voulu. Ce n'eût été qu'un petit épisode dans sa vie. Il s'en serait tiré à bon marché. Mais il ne voulut pas la quitter ainsi. Il ne put prendre sur lui de quitter la chambre sans ajouter un mot. Elle avait parlé de revanche. Ne fallait-il pas lui expliquer qu'il n'avait eu nulle pensée de vengeance, qu'il l'avait aimée, avait souffert, avait pardonné sans le moindre levain de rancune, puis que malheureusement il l'avait aimée de nouveau. Enfin, qu'il n'était que le papillon et qu'elle avait été le flambeau. Non, Lady Ongar, ça n'a pas été une revanche. Une justice, si vous l'aimez mieux. En tout cas, je ne me plains pas. Si jamais vous m'aviez offensé, se prit-il à dire, je vous ai offensé, répondit-elle sèchement. Si jamais vous m'avez offensé, je vous ai pardonné librement. Je vous ai offensé. Et parlant ainsi, Elle se leva de son siège, montrant combien lui devenait impossible le calme qu'elle avait jusque-là essayé de garder. « Je vous ai offensé, mais l'injure vous atteint au début de la vie, et ne vous a pas pesé longtemps. Peu de mois après, vous avez commencé à aimer cette jeune personne qui se trouvait au lieu de votre retraite. C'était la première femme que vous eussiez rencontrée depuis moi. Je ne vous ai pas fait grand mal, Harry, mais le mal que vous m'avez fait, rien ne pourra le défaire. « Julie !» dit-il en s'approchant d'elle. « Non, plus de Julie. Quand je vous avais permis de m'appeler ainsi, j'espérais, je désirais, je croyais, faisant plus, bien plus, que je n'aurais dû. Mais alors je croyais que mon amour aurait pu vous être bon à quelque chose. Vous ne supposez pas que je sache rien de vos engagements ?»« Oh non !»« Non, il est étrange que je ne l'ai pas su, puisqu'on me dit qu'elle était alors chez ma sœur. Mais tout le monde n'a pas été aussi discret que vous. Nous sommes quittes, Harry, quittes aujourd'hui. » Je voulais agir loyalement envers vous et envers elle. Avez-vous agi loyalement l'autre soir ? Il eût voulu, mais il ne put dire combien il avait été tenté. Agissiez-vous loyalement quand vous me teniez dans vos bras et que cette femme nous a surpris ? Ne m'aviez-vous pas fait croire que je pouvais trouver ma gloire à vous aimer, que je pouvais montrer tout mon dédain à cette femme qui me promettait le secret ? Le secret, comme si j'avais eu à rougir de ce qu'elle avait vu. Non. Je ne rougissais pas, alors du moins. Le monde entier m'eût-il vu, je n'aurais pas rougi. Il y a longtemps que je l'aime, aurais-je dit. Je n'ai aimé que lui. Il doit être mon mari, et désormais je n'ai plus à rougir. Elle parlait debout, le regardant en face et articulant ses paroles avec une voix brève et nette. Mais au dernier mot, sa voix trembla, son visage s'altéra, une larme vint troubler sa vue et elle sentit qu'elle n'avait plus la force de se tenir debout devant lui. Elle voulut se rasseoir posément, mais cela lui fut impossible, et tandis qu'elle se laissait retomber sur le sofa, il put entendre le sanglot qu'elle avait pris une si grande et si inutile peine à retenir. À cet instant, il s'agenouilla devant elle et saisissant la main dont elle se cachait la figure. « Julie, lui dit-il, regardez-moi. À tout prix, il faut que nous nous entendions à la fin. Non, Harry, il ne le faut pas. Nous ne devons pas nous entendre. Il faut que vous me quittiez et ne reveniez plus. Sans ce qui est arrivé l'autre soir, j'aurais tâché de vous regarder toujours comme un ami. Mais je n'ai pas de droit à une telle amitié. J'ai péché et erré. Je suis un être souillé. Je me suis vendu comme on vend un vil bétail et on m'a méprisé comme moi-même je me méprise. Est-ce que je vous ai témoigné du mépris ? Oui, Harry, oui. Vous-même. N'était-ce pas du mépris ? Quand vous m'avez prise dans vos bras et embrassée, sachant bien que je ne devais pas être votre femme. Oh oui, j'ai péché, et je suis puni. Non, non, dit-il en se levant, ce n'était pas cela. Qu'était-ce donc, monsieur? Est-ce ainsi que vous traitez les autres femmes, celles du moins pour qui vous faites profession d'amitié? Que vouliez-vous que j'en pensasse? Que je vous aimais. Oui, d'un amour qui eût achevé de me perdre, qui eût complété ma dégradation. Mais moi, je n'avais pas entendu parler de Florence Burton, et ce soir-là, et toute la nuit qui suivit, j'étais si heureuse. Et la semaine suivante, quand vous êtes partie pour cette triste cérémonie, j'étais heureuse, heureuse et fière. Oui, Harry, j'étais fière en pensant que vous m'aimiez toujours, que vous m'aimiez en dépit de ma trahison passée, si fière que j'oubliais presque que j'avais été polluée. Vous me l'avez rappelé, et je ne l'oublierai plus. Mieux eût valu pour lui d'être parti tout de suite. Assis sur une chaise, il sanglotait violemment, essuyant de ses mains les grosses larmes qui coulaient sur ses joues. Comment faire comprendre à Lady Ongar que ce n'était pas avec une intention d'insulte qu'il l'avait embrassée? Ne fallait-il pas lui dire que si alors il y avait eu offense, l'offense était non pour elle, mais pour Florence Burton? Mais sa douleur était trop forte pour lui, et il ne pouvait trouver d'expression pour rendre sa pensée. « Je me disais, continua-t-elle, que vous viendriez aussitôt que le service serait fini. » Et je pleurais, en pensant au triste sort de la pauvre Hermie, pendant que j'allais me trouver si heureuse. Mais on n'a que ce qu'on mérite, et Hermie, qui n'a pas eu le même tort que moi, n'est pas non plus foulée aux pieds comme moi. Il était juste, Harry, que ma punition au bain de vous, mais elle a été bien cruelle. Julie, ce n'était pas mon intention. Soit. Je ne puis reprendre ce que j'ai dit, et de plus tout ce que je n'ai pas dit, mais que vous avez bien deviné, la dernière fois que vous êtes venu, je ne puis vous ordonner de croire que je ne vous aime pas. Pas plus tendrement ni plus sincèrement que je ne vous aime. Non, Harry. Votre amour pour moi ne peut être ni tendre ni sincère, et je ne puis permettre que vous me l'offriez. Vous ne supposez pas que je veuille dérober à cette jeune fille ce qui lui appartient. Mon amour pour vous peut être tendre et sincère, mais qu'importe cette sincérité qui m'est venue trop tard. Julie, dites seulement que vous m'aimez, il ne sera pas trop tard. En parlant ainsi, vous continuez à m'offenser. Écoutez-moi, je ne sais comment cela est venu, car d'abord je n'attendais pas que vous puissiez jamais me pardonner, ni reprendre votre ancienne affection pour moi. Mais quand je vous vis assis là, me regardant avec votre regard d'autrefois, peu à peu se fit jour la pensée que la chose pouvait bien n'être pas impossible. Et je me dis que si vous me preniez, ce ne serait pas un malheur pour vous. Il me sembla que je me pardonnerais ma fortune mal acquise, si je pouvais la jeter et vous en faire un appui, ou un moyen d'action dans le monde. Je voulais seulement attendre pour moi si réellement vous m'aimiez. Mais arriva ce soudain éclat de passion, et sans l'approuver, je me sens fier de vous être encore si cher. Maintenant c'est passé, nous avons fini par nous entendre, et vous pouvez partir. Nous n'avons rien à nous pardonner. Harry avait pris son parti de jeter Florence à la mer. Si Julie voulait encore de lui, elle serait sa femme. Il était prêt à braver Florence et tous les Burton, et sa propre famille, et le monde entier, qui lui reprocherait sa trahison. Que lui importaient les dires du monde? Sa trahison vers Florence était chose accomplie. Dans ce moment, il appartenait si entièrement à Julie que son engagement avec Florence ne lui paraissait plus qu'une entrave dont il fallait à tout prix se débarrasser. Il songeait bien à la douleur de sa mère, à l'indignation de son père, à la stupéfaction de Fanny, quand il lui dirait ce qu'il n'avait jamais cru possible. Il voyait Théodore Burton le poursuivre de son profond et implacable ressentiment. Cécile, dont il reconnaissait ainsi l'affection. L'infamie, enfin, dont elle serait marquée. Et il se sentait de force à supporter tout cela. Quand même, il n'eût pas été porté par son cœur. Il y avait devant lui une femme à qui, d'un mot, il pouvait donner consolation et bonheur. Les lui refuserait-il? Le tort, l'injure, était pareil d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, cœur brisé, existence perdue. Coupable pour coupable, pourquoi l'être envers Julie plutôt qu'envers Florence? On dirait bien que c'était la fortune de Lady Ongar qu'il avait décidée. Mais cette injuste accusation, car injuste et odieuse, il le sentait du moins, croyait le sentir tel, excitait en lui une indignation dont il s'enorgueillissait. Qu'on dit de lui tout ce qu'on voudrait. Il ferait ce qui lui semblait le mieux. Triste mieux, il est vrai, mais que servait la réflexion dans l'alternative où il s'était mis. « Julie, dit-il, entre nous du moins, désormais, il n'y aura rien à pardonner. Dès à présent, il n'y a rien, dit-elle. Et il n'y aura point de rupture, je suis tout à vous. Mais que devient alors votre fidélité envers Miss Burton? Si je lui suis infidèle, ce n'est pas à vous de me le reprocher. Nous avons, vous et moi, malmené notre barque. Mais faut-il, pour cela, que notre vie soit perdue et notre cœur brisé? Follement, vous avez cru que la fortune valait mieux que l'amour, et moi, follement aussi, j'ai cru qu'un amour déçu pouvait se guérir par un autre amour. Quand j'ai demandé la main de Miss Burton, vous étiez un autre homme. Maintenant que vous voilà libre à nouveau, je ne peux plus épouser Miss Burton. Vous devez l'épouser, Harry. Il n'y a pas de « vous devez » en telles circonstances. Vous ne la connaissez pas, elle ne pouvait savoir comme elle est bonne et généreuse. Elle ne voudrait pas de la main sans le cœur. Et que dirait-on de vous? Ce qu'on dira, je m'y résigne. Je n'ai pas la prétention d'être parfaitement heureux, même avec votre amour. Quand les choses sont allées de travers, on ne peut les raccommoder sans que les reprises paraissent. Mais avec un fil ici, une épingle là, on fait tenir le tout ensemble. Il en sera de même pour vous et pour moi. Donnez-moi votre main, Julie, car je ne vous ai jamais trompé, et vous ne devez pas craindre que je vous trompe maintenant. Donnez-moi la main. Et dites que vous serez ma femme. Non, Harry, non, pas votre femme. Je ne connais pas, comme vous, cette perfection de jeune fille, mais plus elle est parfaite, et moins je dois lui voler ce qui est à elle. J'ai des droits sur vous, Julie. Vous devez faire ce que je vous dis. Vous m'avez dit que vous m'aimiez, et je vous ai dit, et je vous dis encore que je n'aime personne, que je n'ai jamais aimé personne comme je vous aime. Donnez-moi la main. Alors, s'approchant d'elle, il lui prit la main, qu'elle lui laissa prendre, en détournant de lui son visage. « Dites-moi que vous serez ma femme. » Mais elle ne voulut pas dire ces paroles. Moins égoïste que lui, elle réfléchissait, elle tâchait de réfléchir sur ce qui valait le mieux pour eux tous, mais surtout sur ce qui valait le mieux pour lui. « Parlez-moi, dit-il, et reconnaissez que vous m'avez fait tort quand vous avez supposé que l'expression de mon amour était une insulte pour vous. Il est facile de dire parler, mais que dirais-je? Dites que vous serez ma femme. Non, je ne dirai pas cela. » Elle se leva de nouveau et retira sa main qu'il tenait. « Je ne dirai pas cela. Allez et réfléchissez à ce que vous avez fait. J'y réfléchirai aussi. Que Dieu me soit en aide. Que de malheur quand on fait le mal. Mais Harry, maintenant je vous comprends, et moi du moins, je ne vous blâmerai plus. Allez et revoyez Miss Burton, et si en la voyant, vous vous sentez capable de l'aimer, prenez-la sur votre cœur et soyez-lui fidèle. De ma part, vous n'entendrez plus jamais un reproche. Allez maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire. » Il demeura un moment comme s'il allait parler, puis il quitta la chambre sans ajouter un seul mot. Au détour de l'escalier, il l'aperçut encore debout à la porte de la chambre, le suivant des yeux, et lui sembla que ses yeux, démentant les paroles qu'elle avait prononcées, le suppliaient de lui rester fidèle. « Et je lui serai fidèle, » se dit-il à lui-même. « Elle est la première que j'ai aimée, et je lui serai fidèle. » Il sortit, et pendant une heure ou deux, il erra par la ville, sachant à peine où il allait. Dans ce qui s'était passé ce soir-là, il y avait un sérieux touchant au tragique, qui le rendait profondément soucieux, et lui faisait sentir que sa jeunesse était passée. À une époque précédente de sa vie, son orgueil eût été chatouillé d'entendre une femme telle que Lady Ongar lui avouer son amour pour lui dans des termes dont elle s'était servie. Mais il n'avait plus de place dans son cœur pour l'orgueil. Le rang et la fortune ne lui étaient plus de rien. Entre elle et lui, il ne voyait qu'une passion assez puissante pour le mettre dans l'impossibilité d'épouser une autre femme, dû le devoir l'exiger impérieusement de lui. Le charme et la facilité de la vie n'étaient plus pour lui, mais l'amour lui restait, et dans son naufrage, il devait se cramponner à l'amour. Tout le monde lui jetterait la pierre, mais il ne devait plus vivre que pour cette seule femme-là. Elle s'était mal conduite envers lui, avait-elle dit. Oui, c'était vrai. Elle lui avait ôté la noblesse de son caractère, la sérénité de son front, la juste fierté d'une vie sans reproche parmi les hommes. Elle l'avait réduit à n'avoir que l'angoisse pour couche et le déshonneur pour compagnon. Mais après tout, elle l'aimait, et à cet amour, il serait fidèle. Mais Florence Burton, comment s'arranger avec elle? Cette lettre, dont il avait si bien minuté tous les termes en cheminant vers Bolton Street, avant que la nécessité en fût devenue irrévocable, ne lui paraissait plus si facile à faire. Du moins, ce soir-là, il n'essaya pas de l'écrire.